Bon, bonjour. Merci d'être venu malgré ce beau soleil. Donc d'avoir bravé un peu l'envie d'aller profiter des derniers beaux jours avant dans 30 jours, hein, le noix noir, comme on dit, mais je ne veux pas le dire en breton parce qu'on va dire que j'ai un mauvais accent. Ben, c'est mis deux, mais bon, je le dis quand même. Bon, voilà. Donc merci d'être venu. Donc, et puis je remercie aussi André. Voilà, on s'est connus grâce à Plozévet. Je l'ai commencé à bien le connaître à partir de 67 quand je suis arrivé à Paris. Et depuis, en fait, on ne s'est jamais quitté à la fois professionnellement, puisqu'on est associé au même laboratoire, on est même à la même revue, dans le comité de rédaction d'une revue du centre qui s'appelle maintenant le Centre Edgar Morin, qui était le centre d'études des communications de masse à l'époque des enquêtes de Plozévet. Donc on a une sensibilité intellectuelle un peu proche, bien que je sois sociologue, mais c'est quand même à Plozévet que j'ai, disons, pris conscience de l'importance de l'histoire. Dans mes études secondaires, je n'avais pas tellement accroché à l'histoire. J'ai accroché à l'histoire grâce à des bons professeurs en faculté. Et c'est quand même à Plozévet que j'ai pris conscience de l'importance pour un sociologue d'avoir la dimension historique. Ça nous a paru indispensable, même sur mon petit terrain où j'étais à Kermagui, on a été obligé quand même de remonter sur l'histoire pour comprendre quelque chose un peu à cette communauté villageoise. Donc voilà, ça fait beaucoup plaisir qu'André revienne. André était revenu avec nous à Plozévet en 1974 pour faire une première revisite 10 ans après les enquêtes, et d'ailleurs ça fait le dernier chapitre de son ouvrage Breton de Plozévet, qui a été son premier ouvrage, qu'il a fait connaître comme historien. Et depuis, bon, André a poursuivi une carrière qui l'a fait intéresser à la démographie historique. Il est beaucoup connu pour l'histoire de la famille, et d'ailleurs demain à Quimper, il présentera son dernier ouvrage sur Amour et mariage. Bon, pour les publications qu'il a, je ne vais pas faire toute la liste, mais je vous la mets ici. Vous pouvez voir la suite de ses ouvrages. Alors, bon, tout le monde connaît le rôle d'André Burguère dans les enquêtes de Plozévet. C'était lui qui était chargé de faire la synthèse de l'ensemble des études qui ont été menées. Et de ce fait, c'est pratiquement le seul, à mon avis, enfin, ou à ma connaissance, à avoir lu l'ensemble des publications qui ont été faites sur Plozévet. C'est donc que lui, il a quand même, disons, l'autorité pour voir les enquêtes de Plozévet vraiment avec un angle, avec, disons, un point de vue supérieur. D'autant plus que je pense aussi qu'il est un des rares à avoir connu l'ensemble des chercheurs qui ont travaillé à Plozévet. D'ailleurs, il les avait réunis une fois à Paris pour faire une confrontation interdisciplinaire. Peut-être qu'il en dira quelques mots tout à l'heure. Et donc, au fond, c'est quand même lui qui a le point de vue le plus autorisé pour nous parler de l'histoire de ces enquêtes. Il en avait déjà fait mention dans un colloque pour les 50 ans du Centre d'études de recherche historique, qui a donné lieu à la publication d'un article qui s'appelle Plozévet, le mythe de l'interdisciplinarité, qui est en ligne. Si vous allez sur le blog, vous verrez, on peut le lire en ligne maintenant. Et il était revenu à Plozévet en 2002, lorsqu'on avait organisé les rencontres sciences et citoyens de Plozévet. Et c'est la première fois, au fond, que devant les Plozévétiens, on nous parlait de l'histoire des enquêtes. Donc là, il nous redonnera sans doute un autre point de vue. Et bon, ben voilà, je pense que c'est quand même, là, je vais sur cette parole, je vais de lui donner la parole.